Mon propos, c'est plutôt d'interroger ce qui, peut-être de manière imprudente, j'ai appelé l'évidence d'une mondialisation du chômage, et qui renvoie à l'idée que le chômage est devenu une catégorie qui circule très largement à travers le monde, qui circule dans des formats qui sont des formats fortement codifiés, fortement normalisateurs également. Et mon propos est de m'interroger au bout du compte sur la réalité de cette internationalisation ou mondialisation du chômage. En gros, la question, c'est bon, quelle est finalement l'extension, le domaine d'extension de cette notion. Et pour avancer dans cette interrogation, je présenterai une démarche de comparaison internationale que j'appelais une démarche de comparaison internationale compréhensive et sur laquelle je vais revenir. L'essentiel de mon propos sera quand même plutôt de présenter cette démarche en montrant en fait en quoi est-ce que cette démarche permet d'interroger, de renseigner le caractère international ou le caractère national, voire le caractère transnational en fait du chômage. Alors, en préambule, en introduction, je dirais, bon, il est assez évident, enfin on peut dire, disons, que le chômage est un phénomène mondialisé dans la mesure où, effectivement, il s'étend dans les sociétés à travers le monde, et en particulier, au moins en tout cas, dans les sociétés qui connaissent certaines formes d'emploi, les formes les plus codifiées, et en particulier les formes salariales, et avec la concurrence internationale, bon, ben, le chômage se développe, se déplace à travers les territoires, à travers les pays. Le deuxième aspect, c'est que, évidemment, c'est un deuxième aspect qui n'est pas indépendant du premier, c'est que le chômage fait aussi l'objet d'une série de conventions de mesure internationales, c'est-à-dire qu'il y a des définitions codifiées du chômage dont la validité est supposée être extrêmement, extrêmement large, en tout cas très largement internationalisée. Et ces conventions de mesure, hein, des indicateurs des taux de chômage selon tel ou tel organisme, telle ou telle norme statistique, servent à évaluer les performances des économies. Donc on voit bien que le chômage est bien une catégorie qui sert à au moins de l'évaluation internationale. En dépit de cela, les travaux sociologiques en particulier, en tout cas plus les travaux sociologiques que les travaux économiques, montrent des hétérogénéités persistantes, c'est-à-dire montrent que derrière une définition générale du chômage autour de recherche d'emploi, privation involontaire d'emploi, il y a des hétérogénéités très fortes selon les pays, qui sont liées aux institutions du marché du travail de chacun des pays, les politiques de l'emploi, la façon dont l'emploi est codifié, la manière dont on va définir les contours de l'emploi, la manière dont on va différencier l'activité et l'inactivité professionnelle, enfin bon, toute une série de phénomènes de ce type-là, la manière dont on va définir l'ensemble des statuts sociaux, les statuts d'invalide, les statuts d'actifs, les statuts d'inactifs, les statuts de chômeur, bien entendu. Et puis, deuxième élément d'hétérogénéité, ce sont les expériences des chômeurs, les expériences du chômage, qui sont aussi source de variations extrêmement, extrêmement importantes. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui le montrent. Donc, à la fois circulation très grande et en même temps persistance d'hétérogénéité, notamment encastrée dans les territoires nationaux. Et donc, la question est de savoir si, au fond, le chômage a vraiment un sens au-delà, disons, de son usage quantitatif, c'est-à-dire mesurer la performance des pays en termes de taux de chômage. Et cette question-là en particulier, la question que je me suis posée avec d'autres collègues, c'est est-ce que le chômage a un sens pour les individus qui vivent des problèmes d'accès à l'emploi? Et est-ce que si on part du point de vue des individus, c'est-à-dire si on part du point de vue des significations qui sont accordées par les individus aux situations qui les vivent, est-ce que finalement le chômage est pertinent dans des espaces très différenciés, ou bien est-ce que le chômage est une catégorie qui reste indexée sur des territoires extrêmement spécifiques, voire d'ailleurs sur d'autres caractéristiques, pas forcément territoriales, qui sont aussi très, très spécifiques. Donc c'est autour de ça que je voudrais développer mon exposé en quatre points. Le dernier étant de toute façon très, enfin, sera très rapide. Bon, c'est d'abord de dire finalement si on s'interroge sur la pertinence du chômage, quelle méthode est-ce qu'on peut mobiliser, quelle méthode de comparaison internationale on peut mobiliser. Donc le premier point, c'est de présenter les éléments principaux de la méthode. Et puis ensuite, les trois points suivants, 2, 3, 4, c'est à la fois de montrer à travers les exploitations des matériaux et les résultats, disons, des jeux entre différents registres ou différentes échelles, en quelque sorte, de consistance du chômage. Une échelle internationale, c'est-à-dire une échelle qui, en fait, traverse les frontières, ignore, on peut dire, les frontières nationales, des échelles nationales, pour montrer qu'il existe encore persistance de modèles nationaux, et puis ensuite une échelle transnationale, c'est-à-dire la récurrence de phénomènes variés que l'on peut repérer dans un certain nombre de pays différents. Je passe sur l'équipe qui est à la base de cette recherche, simplement pour indiquer que je n'ai pas été tout seul à faire ça, et vous comprendrez, je pense, assez facilement quand je présenterai à l'instant l'enquête dont il s'agit. Donc, le premier point, disons, de la démarche comparative, c'est de considérer le chômage non pas comme une catégorie statistique ou un statut codifié, mais de le considérer comme une activité interprétative, c'est-à-dire comme une manière parmi d'autres de définir des situations. Et donc, ce à quoi on va s'intéresser, c'est à la façon dont des individus qui sont possiblement chômeurs définissent leur situation. Et est-ce que ces définitions de situation sont identiques selon les territoires? Est-ce qu'elles sont incommensurables? Est-ce qu'elles sont très différenciées? Est-ce qu'elles sont comparables? Est-ce qu'elles ont des choses en commun ou pas? Donc là, la question, finalement, c'est de considérer la manière dont le chômage est catégorisé comme un objet de l'enquête, un objet de la recherche, alors que généralement, quand on étudie le chômage, et en particulier dans une perspective de comparaison internationale, on considère la codification comme étant un préalable. Hein, la catégorisation comme étant un préalable, c'est-à-dire qu'il faut se doter d'une norme universelle, ou en tout cas d'une norme internationale de mesure du chômage, pour pouvoir étudier le phénomène. Donc on renverse en quelque sorte le raisonnement. Alors comment est-ce que l'on a procédé? Alors j'insisterai sur trois points, qui sont trois points qui visent en fait à essayer de trouver un équilibre entre choix de recherche qui vont avoir pour effet de maximiser, en tout cas à titre d'hypothèse, les différences, l'hétérogénéité du chômage, et choix de recherche qui vont avoir pour effet d'essayer quand même de limiter cette hétérogénéité pour rester dans quelque chose qui est comparable. C'est une espèce de tension qui est caractéristique des méthodes comparatives. On essaye de comparer des choses qui soient à la fois comparables et fortement différenciées. Alors, le premier point, c'est qu'est-ce qu'on a choisi comme territoire. Donc là, on quitte l'Afrique pour prendre en compte trois régions métropolitaines, en France, au Brésil et au Japon. Trois régions qui ont été choisies pour plein de raisons. J'insisterai juste sur deux ensembles de raisons ici. Première raison, c'est qu'elles sont relativement comparables sous toute une série de phénomènes de, disons, caractéristiques du marché du travail. C'est-à-dire, ce sont des régions dans lesquelles le salariat est fortement développé, même si c'est de manière différentielle, où les formes d'emploi sont relativement codifiées. Ce sont des régions qui sont des régions limitées, et on n'a pas pris les pays précisément pour cette raison-là, c'est-à-dire des régions qui ont une histoire, où le marché du travail a une histoire, et que donc on peut caractériser par ce qu'on a appelé communauté d'expérience, communauté de langage, communauté de catégorie permettant d'appréhender la réalité régionale, la réalité locale. Ce sont des régions, enfin, où les normes d'emploi, où des normes d'emploi se sont affirmées et où ces normes d'emploi s'effritent dans la période contemporaine. Donc tout ça, c'est des régions qui sont comparables sous cet aspect, ce qui ne veut pas dire identiques, loin de là, mais je n'ai pas le temps de développer, bien sûr. Et en même temps, ce sont trois régions qui sont très différentes, au bout du compte, du point de vue de ce qu'est la condition de chômeur. Donc je dis juste deux petites choses. Dans la région parisienne, le statut de chômeur est beaucoup mieux protégé que l'on considère les politiques actives de l'emploi, les régimes d'indemnisation du chômage, etc., que dans les deux autres régions, même si cette protection est en cours de fragilisation. Dans la région de São Paulo, le chômage est beaucoup plus, visible, à la fois dans l'espace public, à la fois dans les médias, dans la presse, etc., même si il recouvre des formes qui sont beaucoup plus éclatées, beaucoup moins codifiées dans des statuts qu'en région parisienne, par exemple, et dans la situation de la région de Tokyo, le chômage était beaucoup plus, puisque le travail a été fait dans les années 2003-2004, beaucoup plus émergent, beaucoup moins développé, mais en même temps avec des phénomènes de discrimination, en particulier sur les catégories sociales, extrêmement, extrêmement forts. Donc, le choix des terrains. Deuxième élément, c'est, je dirais, le choix des chômeurs. C'est-à-dire, en fait, si on veut savoir qui se définit comme chômeur, on a évidemment un problème de ne pas définir a priori la population. Alors, on a fait les choses de la manière suivante, on s'est dit, puisque notre hypothèse est que le chômage est quelque chose qui est éclaté, en fait, c'est-à-dire qui n'a pas le même sens dans les différents territoires, alors on a choisi de nous concentrer sur ce qu'on appelle le cœur de la catégorie, c'est-à-dire les chômeurs qui sont officiellement reconnus comme chômeurs. C'est-à-dire ceux qui sont déjà aux marges, on les a éliminés de l'enquête pour prendre en quelque sorte, on va appeler entre guillemets les vrais chômeurs, ceux qui sont reconnus dans ces différents pays comme des chômeurs. Deuxième aspect, comme on voulait faire une enquête par entretien, on ne peut pas faire des gros échantillons, et donc on a décidé là de limiter l'hétérogénéité en concentrant notre enquête sur quelques profils de chômeurs qui sont indiqués sur la diapo, et qu'on a choisi pour des raisons assez précises, parce que ça renvoie en fait à, disons, soit des figures de jeunes confrontés à des problèmes d'insertion professionnelle, soit des figures d'adultes, de milieux populaires, chefs de famille, en charge de faire vivre leur famille, et confrontés à des licenciements économiques. Donc on a choisi des profils qui sont des profils assez de population assez précis, et on a réalisé à peu près 200, enfin plus de 200 entretiens, mais on a exploité 200 entretiens à peu près, répartis de façon à peu près équivalente, et dans les trois régions métropolitaines, et dans ces quatre groupes cibles. Dernier point peut-être de l'enquête, on a mené une enquête avec un protocole commun, sinon tout à fait identique, c'est-à-dire un entretien biographique ouvert, avec une grille d'entretien vraiment très minimaliste, qui visait donc à inciter les individus à raconter bon, finalement qu'est-ce que c'est le chômage pour vous. Et donc, est-ce que c'est la même chose d'être chômeur à Tokyo ou d'être chômeur à São Paulo ou à Paris? Un point d'hétérogénéité sur lequel je passe parce que je n'ai pas le temps, c'est que les conditions en fait, de réalisation de l'enquête ont été très différentes selon les pays, à la fois en termes de repérage de population, de prise de contact, de lieu de déroulement de l'entretien, des conditions de déroulement d'entretien, enfin, de relations d'enquête, etc. Mais je n'ai pas le temps de le développer. Alors, le premier point de l'enquête, c'est au fond, est-ce que le chômage a un sens commun, un sens partagé, un sens transversal à ces trois régions métropolitaines. Donc on a cherché à comparer les récits, à comparer les entretiens. Alors selon des procédures, là aussi que je ne peux pas tout à fait détailler ici, je pointerai simplement un fait qui nous a frappé assez rapidement dans l'exploitation de l'enquête, c'est le fait qu'on a trouvé dans les trois corpus, donc dans les corpus des trois régions, des cas de ce que on appelle en France, en français en tout cas, le découragement, qui étaient des cas en nombre relativement important, 12 à 15 entretiens par corpus et que je définis ici de manière rapide comme étant impossibilité d'envisager un avenir bouché, plus impuissance face aux accidents du parcours, plus dégradation des conditions d'existence, plus impossibilité d'échapper à la situation. Donc, une manière de vivre le chômage qui se décline dans des vocabulaires extrêmement variés, je passe là-dessus, mais qui constitue en quelque sorte la forme inversée de ce qu'est la définition normative, la mesure statistique, c'est-à-dire être chômeur, c'est être à la recherche d'un emploi, c'est anticiper l'emploi. Donc, on a trouvé dans les trois pays des chômeurs qui sont exactement l'inverse de ça, une sorte de référence internationale en creux, en quelque sorte, qu'on aurait presque tendance à appeler universelle, dans le sens où, quand on reprend les enquêtes sur les chômeurs dans les années 30, aussi bien aux États-Unis, en Autriche, en Grande-Bretagne, etc., en France aussi, en Allemagne, on voit cette figure, déjà dans les années 30, dans des espaces qui sont des espaces très, très, très différents. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a essayé d'inventorier, de repérer plutôt, des significations, à la fois typiques en termes de typologie et transversales à ces trois pays. Donc, j'en donne quelques exemples ici dans le tableau. Vous avez dans la colonne centrale précisément le découragement qu'on a essayé donc d'organiser autour de trois questions, c'est-à-dire quoi faire, qu'est-ce que je fais quand je suis dans ma situation, comment je fais et vers quoi tout ça va. C'est-à-dire, dans quel objectif est-ce que je mène des activités. Donc là, on a trois significations qui sont indiquées là, la compétition, le découragement, la débrouillardise, qui sont des significations du chômage que l'on a repérées dans les trois corpus et qui donc apparaissent tout à fait communes à ces trois corpus. Donc à ce stade, on se dirige vers une sorte de schéma qui est typologie des significations du chômage et en fait typologie transversale à ces trois R, c'est-à-dire le résultat serait de dire, en fait, il n'y a pas une signification du chômage qui serait une sorte d'intériorisation de la norme bureaucratique ou statistique. Il n'y a pas non plus une définition qui serait, ou un ensemble de définitions qui seraient des distances à cette norme. Il y a hétérogénéité de définition du chômage, mais cette hétérogénéité, elle est transversale aux trois pays. Donc, c'est la piste que l'on a suivie. Mais cette piste que l'on a suivie, on a en fait, dû renoncer. On assume complètement d'avoir dû renoncer à construire une typologie, parce que ce dont on s'est aperçu, c'est que les significations du chômage sont beaucoup trop labiles pour être résumé par un classement typologique, et donc on a proposé un autre type de classement qui est ce qu'on appelle une matrice de signification, dont je présenterai quelques autres exemples dans les 6 minutes qui me restent. Une matrice de signification qui sert en fait d'abord à classer des extraits d'entretien des trois corpus, qui sert ensuite au fond à classer des entretiens de ce corpus, donc les entretiens en vert, c'est les Brésiliens, en bleu, c'est les Français, en rouge, c'est les Japonais, et puis qui sert, au fond, au bout d'un moment, à classer l'ensemble des entretiens du corpus qui sont figurés ici. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit, en fait, que, un, le chômage est extrêmement hétérogène. Ça peut être les activités de débrouillardise tout en haut du graphe, ou ça peut être la recherche d'emploi tout en bas, ça peut être le découragement tout en bas à droite, ou un projet professionnel tout en haut à gauche. C'est très hétérogène, mais cette hétérogénéité, elle est la même dans chacun des trois territoires. Donc ça, c'est une première, une sorte de première conclusion, c'est-à-dire l'idée qu'il y a bien une sorte d'univers de référence international pour le chômage. Non pas donc une codification internationale, mais un univers de référence. La deuxième étape, c'est de se dire, ok, bon, très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas des différences quand même entre ces pays? Alors, il y en a, enfin, entre ces pays, entre ces régions. Hein. Il y en a, bien sûr, des différences. Je ne vais pas avoir vraiment le temps de les développer. Donc je ne vais pas les développer. Mais en gros, ces différences... alors ces différences, voilà, ce qu'on a fait pour les repérer, c'est qu'on a fait un graphe avec uniquement les entretiens région parisienne. Vous voyez comment ils sont distribués, plutôt beaucoup à gauche et beaucoup à droite. Un graphe avec le brésilien, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus en haut. Hein. Un graphe avec le japonais, ouais, c'est très en bas. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que, en gros, dans le cas japonais, on a pointé, disons, une sorte d'hypernormativité, c'est-à-dire que la norme internationale, la recherche d'emploi, ça pèse très fortement sur les chômeurs au Japon, et beaucoup, enfin, au Japon, dans la région de Tokyo, hein, beaucoup plus que dans les deux autres aires métropolitaines. Donc, on a appelé ça hypernormativité du chômage, associé à quelque chose que je ne peux pas développer, qui est le fait qu'on a appelé gestion internalisée, qui veut dire que, en gros, les individus sont assez peu accompagnés, et c'est à eux à se débrouiller face à la situation de chômage. Dans le cas brésilien, c'est ici, on a appelé ça alternormativité pour indiquer qu'il y a bien une norme autour des activités de débrouillardise, parce que ça concentre beaucoup de la population, mais il s'agit d'une norme, en fait, on pourrait dire déviante par rapport à la norme de recherche d'emploi. Il s'agit de se débrouiller pour survivre et non pas de rechercher un emploi. Donc on a appelé ça alternormativité avec une gestion socialisée dans le sens où la gestion du chômage, ce n'est pas les individus qui font ça tout seuls, mais ça se fait entre voisins, au sein de la famille, donc de manière plus collective. Et puis, pour le cas parisien, on a appelé ça plurinormativité pour indiquer en fait qu'on a une sorte de dualisme. D'un côté, une orientation des chômeurs vers l'emploi, de l'autre côté, plutôt vers l'inactivité, et que ce dualisme, il est lié en fait à une forte institutionnalisation du traitement du chômage et au fait qu'il existe une multiplicité de statuts qui sont offerts, des statuts qui visent à accompagner vers l'emploi et des statuts qui, à l'inverse, visent à accompagner vers le retrait du marché du travail, donc gestion institutionnalisée et plurinormativité. Donc, on se dit, voilà, en fait, il y a des normativités spécifiques à chacun des territoires. C'est le deuxième point, je suis en train d'aller en arrière, je crois, le deuxième point donc, de résultats. Et troisième, puisque j'en ai annoncé trois, et qu'il doit me rester une minute pour l'indiquer. Troisième, c'est qu'on a ensuite réintégré dans l'analyse les quatre groupes que j'avais indiqué à l'origine, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les mères en reprise d'activité, les ouvriers chefs de famille et les cadres. Et en réintégrant en fait ces quatre groupes, et là je vais juste les choses, on observe que un certain nombre de phénomènes, donc voilà un peu comment ça se présente, hein, on a remis avec les couleurs l'appartenance aux différents groupes cibles, donc vous avez les jeunes qui sont en jaune, les ouvriers en rouge, les mères en bleu, les cadres en vert. Et ce que l'on observe dans ce cas-là, c'est un certain nombre de régularités. Alors, des régularités qui sont plus ou moins accentuées selon les trois régions, qui sont modulées aussi sur les régions, mais des régularités sur la manière dont les ouvriers vivent le chômage, plus exposés au découragement. Des régularités sur la manière dont les femmes vivent le chômage, plus exposées aux problèmes, non pas du retrait vers l'inactivité, mais des problèmes de conciliation entre, disons, les rôles... les obligations domestiques et se maintenir sur le marché du travail. Des différences entre les jeunes et les plus âgés, les jeunes étant beaucoup plus tournés vers l'emploi, et donc vers la partie gauche du graphe, que les plus âgés. Des différences entre les cadres et les ouvriers, les cadres étant beaucoup plus investis dans la recherche d'emploi, sauf s'ils sont âgés, etc. Donc, ce que l'on a repéré, en fait, c'est des hétérogénéités dans chacun des territoires, et des hétérogénéités qui sont en fait des proximités ou qui ressemblent à des proximités transnationales ou transrégionales, peut-être il faudrait dire. Alors, je conclue. Je pense que j'ai un peu épuisé mon temps de parole. Donc, je conclue. Alors, je conclue d'abord bon, sur la question initiale. Hein, est-ce que le chômage est une catégorie mondialisée? On va dire, certes, il y a une catégorisation, une codification normative internationale du chômage, mais Ce qu'on a observé, c'est plutôt un emboîtement d'échelles de catégorisation, échelle internationale, avec partage d'un large univers de référence dans trois régions assez contrastées, mais ayant des points communs, hein, je l'ai indiqué. Deuxièmement, échelle de catégorisation nationale ou régionale, enfin régionationale, je ne sais pas comment il faut le dire exactement, avec l'affirmation de modèles normatifs fortement différenciés selon les territoires. Et enfin, échelle de catégorisation transnationale avec, disons, l'impact des rapports sociaux, rapports d'âge, rapports de sexe, dans chacun des contextes, selon des modalités qui sont des modalités relativement proches. Donc, pour dire, le chômage n'est pas inscrit dans une trajectoire, disons, d'uniformisation, on pourrait dire d'institutionnalisation, si on veut faire référence aux travaux socio-historiques sur l'émergence du chômage. Persiste à la fois le poids de modèles normatifs qui sont construits sur des institutions régionales, nationales, fortes, très marquante. Et deuxièmement, persiste aussi le poids, la marque d'une autre forme d'institution, qui ne sont pas des institutions du marché du travail, mais qui sont des institutions qui renvoient à la distribution des rôles, des obligations et des places en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction également de la position dans la hiérarchie sociale. Donc le chômage est plutôt une espèce de configuration assez plastique, et selon l'angle sous lequel on le regarde, on va mettre l'accent plutôt sur la dimension, en fait, disons, de très commun entre territoires assez éloignés, ou au contraire sur des particularités liées à des territoires, ou au contraire encore sur des phénomènes transversaux qui se manifestent à travers, disons, des inégalités sociales, non pas à l'égard de l'accès à l'emploi, mais à l'égard de la manière dont on vit la privation d'emploi.